Hello and welcome, bienvenue à tous et toutes dans cette émission spéciale La Croisière Folk, Harmonias de Esperanza, de la musique folk pour Valence. C'est une émission spéciale dédiée à la solidarité et à la musique. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage musical au travers des sonorités du folk espagnol. On survolera les montagnes de la Galice, on passera par la plage, les plages d'Andalousie et on visitera aussi les champs d'oliviers de Castille. Chaque note que vous entendrez est un hommage aux racines et à la culture espagnole. Mais attention, parce que cette émission a un objectif particulier. Je voudrais qu'on unisse nos voix et nos cœurs pour soutenir les victimes des récentes inondations qui ont frappé Valence. au travers des mélodies et des chansons des artistes folk les plus talentueux d'Espagne. J'espère apporter un peu de réconfort, de solidarité et de soutien à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par cette catastrophe. Restez avec nous pour cette heure de musique et d'espoir où chaque morceau est une déclaration d'amour et de force pour nos amis de Valence. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et que la musique est notre lien. Visitez la page Facebook de La Croisière Folk. J'y ai mis quelques informations qui vous permettront de verser quelques euros à des associations en Espagne pour qu'ils puissent faire le travail. Alors, on a démarré cette émission avec El Pony Pisador et Strelitzia. On va poursuivre avec Ana Alcaide, Aike Casas, Lande de Cubel, avec Laxibarte, Luana Lubre, Morrison Jig, Carmento également, avec La Serrana. Merci de votre solidarité. La Croisière Folk, quand la musique parle, la solidarité agit. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ay, que casas, tan hermosas. Ay, que casas, tan hermosas. Para que bailen las novias, para estas y otras. la croisière folle. To boldly go where no one has gone before. En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. La serrana va atada a su son, tirando desgarro y puliendo el armazón. Del agosto aquel, del primer amor, se le enciende la chicharra con el cambio de estación. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La serrana se camufla entre las ramas y se dosifica el cielo. Y así asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Y así asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Lo que digan en los bares y en la plaza se lo lleva la corriente. Lo que digan en los bares y en la plaza se lo lleva la corriente. La serrana va atada a su son, tirando del carro y puliendo el armazón. Del agosto aquel, del primer amor, se le enciende la chicharra con el cambio de estación. Y en su palpitar siente revivir cuál ha sido el recorrido que la ha traído aquí. El recuerdo de la paz interior, el tercer pase de orquesta sonando en su habitación. Émission spéciale aujourd'hui, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook, puisque aujourd'hui, c'est une émission qui est réalisée en solidarité avec toutes les personnes qui ont été touchées par les inondations dans la région de Valence. Alors, sur notre page Facebook, j'ai posté quelques infos qui vous permettront d'aider pratiquement toutes ces personnes. Et on va poursuivre avec Annabelle Santiago, Amore que pasen, Amanaman, El Rey Nimrod, Cristina Pato avec Tolemia, et puis Al Andalus Project de Santa Maria, Cantiga de Santa Maria, un cantique du XIIIe siècle. Merci de vous joindre à nous, n'hésitez pas à partager l'info et à partager bien sûr cette émission qui vous fait découvrir aussi toutes les facettes de la musique folk. La croisière folk. May the force be with you.

La croisière folk. Good, good music. Thank you. sea, bienvenido un caballero por alta sierra morena. Me acerqué y le pregunté si venía de la guerra. Sí, señora, de allí vengo. ¿Tiene usted alguien que le duela? Tengo yo a mi maridito, 7 años lleva en ella. Deme usted señas, señora, deme usted señas que lleva. Mi marido es un gran mozo del regimiento de Huelva. Caballino blanco, la silla bordada en seda. Señora, muerto quedó allí en la guerra. Y quedó en el testamento que yo me case con ella. Eso sí que no hago yo, eso sí que yo no hiciera. Si a los 3 años no me mojito yo me metí. Que tiene Blanca, ¿qué piensa hacer? Uno le pongo al estudio para que aprenda a leer. Otro le doy a mi padre que se aproveche de él. Ese don Manuel Godoy es hombre muy endiosado, a quien ya no basta hoy su insolente principado. A quien ya no basta hoy su insolente principado. Que no será así, que no será así, si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así, si los ribereños se plantan aquí. A sus propios soberanos hacerles quiere traición, y atados de pies y manos les vende a Napoleón. Y atados de pies y manos les vende a Napoleón. Que no será así, que no será así. será así si los ribereños se plantan aquí? ¿Qué no será así? ¿Qué no será así si los ribereños se plantan aquí? Si el pueblo en que soy nacido sigue sin mover un dedo, bien tendremos merecido el que nos quiten lo nuestro. Bien tendremos merecido el que nos quiten lo nuestro. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Aunque quiera el choricero, por Dios que no será así. Mientras quede un ribereño y navajas hay aquí. Mientras quede un ribereño y navajas hay aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Que no será así, que no será así si los ribereños se plantan aquí. Vous écoutez La Croisière Folk et avec la musique nous semons l'espoir à Valence, une émission qui est réalisée pour vous faire découvrir les artistes folk espagnols mais aussi pour montrer notre solidarité avec toutes ces personnes à Valence qui ont été touchées par les inondations. Si vous allez sur notre page Facebook de La Croisière Folk, eh bien, vous verrez quelques infos qui vous permettront justement d'aider financièrement des associations espagnoles sur le terrain pour qu'elles puissent à leur tour eh bien, venir en aide à toutes ces personnes qui ont été touchées par les inondations à Valence. Et nous avons écouté Olaga Folk avec Romance, La Dama et El Caballero, Robiledio de Gata, Aljibe Jota de Godui. Et on va se quitter avec Belenio, la Dixebra. Merci d'avoir écouté cette émission. Sachez que c'est La Croisière Folk, parce que quand la musique parle, la solidarité agit. Vous allez sur notre page Facebook de La Croisière Folk et vous aurez toutes les infos pour aider des associations sur le terrain en Espagne pour qu'elles puissent, bien sûr, pouvoir aider pratiquement toutes les personnes touchées par ces inondations. Parce que La Croisière Folk, c'est une chanson pour chaque larme et un espoir pour chaque note. Merci de partager également cette émission avec vos amis. Invitez-les aussi, bien sûr, à participer pour aider toutes ces personnes à Valence, que l'on salue, je ne sais pas, elles ne nous écoutent probablement pas, mais si vous connaissez des personnes là-bas, dites-leur que nous sommes de tout cœur avec eux. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve pour d'autres émissions folk. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission La Croisière Folk. Merci de votre solidarité. Bye bye. I'll be back. La Croisière Folk. Good vibrations. Thank you. tantos ojos como fotos para un simple instante que nos vuelven a llevar al pasado nada más. Tantos ojos como fotos recuerdan los momentos de dulzura y amor y de felicidad. Somos como las gaviotas que de puerto en puerto van intentando retener las olas del mar. Es el tiempo, es el tiempo que no para. Recuerdan el momento de alegría y esplendor que la vida brindó. Guardan fotos y recuerdos, sueñan con el momento de entrega y calor. Lo pasado ya pasó, somos como las gaviotas que de puerto en puerto van intentando retener las olas del mar. Es el tiempo, es la vida que nos da olores penetrantes que calan en los huesos, besos sin sentido que quedan por el perdido, días y noches con tanto brillo que el silencio se va. Olores penetrantes que calan en los huesos, besos sin sentido que por el perdido, días y noches con tanto brillo que el silencio se va.